perdu, très loin de la ville, une route sauvage, sous un ciel tranquille. Et cette grande entrée, au bout du chemin, je pousse la grille, et soudain, une grande maison, au bout d'une allée, une grande maison, tout abandonnée. Et puis sur la porte, une petite pancarte, où l'on a écrit à louer. Oh, même si tu revenais, je vois bien que rien n'y ferait. Notre amour est mort à jamais. Je souffrirais trop si tu revenais. Le vent s'est levé, et là-haut au premier, ce volet qui bat, ne ferme toujours pas. Ce volet grinçant cachait notre amour. Tu m'avais promis, mais un jour comme un autre, je t'ai attendu jusqu'au petit matin, mais tu n'es pas venu. Les mois ont passé, et malgré moi j'attends, je t'attends encore, et pourtant, pourtant même, si tu revenais, je crois qu'il y a que rien n'y ferait. Notre amour est mort à jamais. Je souffrirais trop si tu revenais. Même si tu revenais, je crois qu'il y a que rien n'y ferait. Notre amour est mort à jamais. Je souffrirais trop si tu revenais.